m'en veux pas. Aujourd'hui j'ai fait de voir que demain je vais rentrer sur la ligne à mon arme. Le temps passe et donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui j'ai plus peur, au bonheur j'ai bien envie d'y croire. Mais c'est qu'un jour de plus, une date qui changera pas l'histoire. Puisque hier j'ai tout perdu, j'ai insulté le vainqueur. Ce soir je peux gagner au loto, juste après le 20h. C'est peut-être aujourd'hui que je l'aborde, même si je devais le faire hier. Ou bien ce soir j'écris le meilleur couplet de toute ma carrière. J'appelle mes vieux potes, on redevient des gamins. Aujourd'hui je souris à ceux qui ont plus de hier que de demain. J'ai mis de côté mes coups de blouse, l'attente de doute et de peur. Aujourd'hui ce qui fera déborder le vase serait un bouquet de fleurs. Aujourd'hui j'irai en cours, les yeux fixés sur ma montre. Si j'ai le temps, juste en sortant, j'irai faire le tour du monde. Aujourd'hui je baisse pas la tête, je passe les cauchemars de la veille. Puis je passerai au cimetière, même sa tombe c'était vieille. J'apprendrai la guitare, demain je serai peut-être une star. Si l'amour est à chaque coin de rue, je veux être sur le bon trottoir. Aujourd'hui j'ouvre la fenêtre, j'épanerai la mouche. Ce soir je remplis un zénith, les yeux fermés sous la douche. Aujourd'hui j'ai une copine, mon permis et mon bac. Demain j'aurai une fille, une voiture et un star. Aujourd'hui je fais, j'en ai trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de voir que demain sera parfait. Sur la ligne à mon marche parfait. Le temps passe vite, donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui je fais, j'en ai trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de voir que demain sera parfait. Sur la ligne à mon marche parfait. Le temps passe vite, donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui ça peut être mon dernier aujourd'hui. Et j'ai tellement de choses à faire avant la nuit. Hier j'étais un gamin, aujourd'hui je le suis encore. Hier j'étais un con, aujourd'hui je ferai des efforts. Aujourd'hui j'arrête de me plaindre sur mes tout petits malheurs. Car y a tellement de gens qui souffrent, mes larmes ont peu de valeur. Aujourd'hui je parle à ma mère, j'ai trop souvent fait le sourd. Elle s'est occupée de moi hier, demain ça sera mon tour. Demain ça sera notre tour avec mes potes. On n'est pas les plus cool, on n'est pas les plus fous. Nous on n'est pas de ceux qui roulent des épaules. Je parlerai pas d'argent, dans le fond c'est pas ça le problème. La réussite c'est la fierté dans les yeux des gens que l'on aime. Je récupère le moral tout au fond de mes baskets. Le ciel m'est tombé sur la tête, je m'en suis fait une casquette. Je suis seul dans une mer immense, sur un petit radeau qui tangue, qui va de l'avant. Oui j'ai le bel ancre, très souvent j'ai pensé tu manques. Mais aujourd'hui je laisserai pas de place à la nostalgie. Car aujourd'hui je regrette hier, demain je regretterai aujourd'hui. Et bien sûr j'irai voir Oli, pour lui je donnerai tout ce que j'ai. Mais tout ce que j'ai c'est lui. Aujourd'hui je le fais, j'en ai trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de voir que demain sera parfait. Sur la ligne à mon marche parfait. Le temps passe vite, donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui je le fais, j'en ai trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de voir que demain sera parfait. Sur la ligne à mon marche parfait. Le temps passe vite, donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui je fais, j'en ai eu trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de croire que demain sera parfait. Sur la ligne à mon marche parfait. Le temps passe vite, donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui je fais, j'en ai eu trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de croire que demain sera parfait. Sur la ligne à mon marche parfait. Le temps passe vite, donc faut pas.